Parler avec notre ami Hugues Fouché du site internet lebetsnfl.com. Salut Hugues! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, il faut parler un petit peu. On va faire le résumé de ce qui s'est passé dans la NCAA et dans la NFL hier. Et ça a commencé sur un chapeau de roue vendredi soir, alors que Maryland, avec le frère de l'autre, Tolia Tagovailoa, j'ai de la misère à prononcer, excusez-moi, c'est le frère de Tua qui s'aligne pour Maryland. Donc, il y a 5 passes de toucher, sa première victoire dans l'NCAA. Oui, Tagovailoa, en fait, les deux frères ont eu une grosse fin de semaine. Donc, oui, écoute, c'est un corps arrière qui est arrivé à Alabama à l'époque comme une assez grosse recrue, mais qui espérait être le successeur de son frère, Tua. Malheureusement, il n'a pas gagné le poste. C'est Mac Jones qui l'a gagné, donc il a décidé de transférer. Il est allé à Maryland, oui. Donc, il est allé à Maryland parce qu'il y avait une connexion avec un ancien entraîneur là-bas, là, dans son coordonnateur offensif, si je me trompe pas. Alors, il a décidé finalement d'aller à Maryland. Il a obtenu le poste. Il y avait probablement certaines garanties avant de se présenter là. Et puis là, écoute, dans le premier match, il n'avait rien cassé, mais là, c'était assez fracassant contre une bonne équipe en plus, Minnesota. Donc, il s'est fait... Connaître, Il s'est fait connaître. Ah oui, définitivement. Il était déjà quand même assez connu comme prospect, mais là, vraiment. Donc, tu sais, c'est un. Si je me trompe pas, c'est un ancien 4 étoiles, ça. C'est rare que ces gars-là vont à Maryland. Mais, Un 4 étoiles, ça veut dire que c'est un bon prospect. C'est pas un grand prospect, mais c'est un bon prospect, c'est ça? Exactement. Oui, tout à fait. Les 5 étoiles, d'habitude, juste pour que les gens comprennent. Quand les gars terminent l'école secondaire, des prospects 5 étoiles, t'en as à peu près une trentaine à travers tous les États-Unis. Donc, ça, c'est l'équivalent des choix de première ronde dans la NFL, là. Tu sais, t'en as pas beaucoup. Ça, c'est des 5 stars, des 5 étoiles. Trevor Lawrence puis Justin Fields étaient des 5 étoiles. Il y en a beaucoup qui sont des 5 étoiles qu'on n'entend jamais parler par la suite. Ils n'ont pas tous des grandes carrières, mais ça, c'est 5 étoiles. 4 étoiles, c'est juste après. C'est aussi des très gros prospects, là. 4 étoiles, c'est entre, admettons, à peu près le 35e puis le 150e rang, à peu près, là, chez les prospects, toutes positions confondues. C'est que Tagovailoa, c'était un gars très connu, c'était un gros prospect quand même. Là. Écoute, c'est très très fort début, très bon match de football aussi. Donc ça a été vraiment c'était un des fascinants de la fin de semaine. Dans les fascinants également que j'ai remarqué, c'est Michigan qui a perdu contre Michigan State. Et là, ça commence à se parler sur les médias sociaux que Jim Harbaugh pourrait être en danger. Est-ce que tu lui crois? J'ai pas les détails de son contrat. C'est un aspect important. Je ne crois pas qu'il soit nécessairement en danger à ce stade-ci, mais c'est sûr qu'il n'a pas apporté avec lui là, les promesses du début, tu sais, on s'attendait à plus que ça. On pensait que Michigan était pour dominer le Big Ten avec Harbaugh. On pensait tout ça. Et puis, non. Puis, en plus, il est pas capable de développer de corps arrière, ce qui est sa spécialité, pourtant. Alors, c'est très surprenant. Et on se rappelle, avant, il était à Stanford. Il avait développé Andrew Luck. Il était allé à 49ers, il avait obtenu du succès avec Colin Kaepernick, et puis là, il se retrouve à Michigan, puis pas capable de développer un corps arrière. Mais je sais que ça se parle beaucoup, je pense que c'est juste des rumeurs pour l'instant, mais est-ce que ton travail pourrait être en danger? C'est sûr qu'au prix qu'ils payent, ils vont s'attendre à un moment donné à avoir plus de résultats. Là. OK. Dans le match, évidemment, qui était le match de la fin de semaine, également, ce qu'il faut mentionner, c'est la victoire de Ohio State, quand même assez facilement contre Penn State. Justin Fields, encore une fois, qui a été impressionnant. Oui, effectivement, il y a de la difficulté à lancer des passes incomplètes. Justin Fields, je pense qu'il y en a comme... c'est vrai, hein? Oui, je pense qu'il y a 7 passes incomplètes depuis le début de la saison. Donc, moi, ce que j'aime de Justin Fields, tu sais que des fois, on parle d'un dual threat, c'est-à-dire un corps qui peut courir et passer le ballon, mais lui, c'est vraiment les deux, là. C'est un gars qui est fantastique de la pochette. Il a pas besoin de courir, il peut dominer un match de la pochette, mais il ajoute aussi un élément d'être capable de courir avec le ballon. Donc, écoute, il y en a qui pensent qu'il pourrait être dans la discussion avec Trevor Lawrence pour le premier choix. Je pense pas à ce stade-ci, mais c'est sûr que comment je peux dire, n'importe quelle autre année, Justin Fields serait le premier choix de repêchage. Ah, effectivement. Puis j'espère peut-être que les Pats, ouais, j'ai encore espoir que les Pats le repêchent. C'est sûr qu'il est classé dans les mock drafts, puisque les mock drafts ont déjà sorti sur Internet. On le voit à peu près 5-6. C'est peut-être pas impossible que les Pats descendent assez bas pour le repêcher. Là. Parce que les Pats, c'est, on va en parler plus tard, c'est pas terrible, mettons, comme performance encore. Non. Ça pourrait. Donc, également, ce qu'il faut mentionner en fin de semaine, c'est que Justin Fields, Trevor Lawrence n'était pas en uniforme en fin de semaine. Et c'était nommé DJ Ugalalili, qui était au poste de quart, qui est un freshman, qui a quand même bien fait la victoire de Clemson contre Boston College 34-28. Oui, effectivement, hein, c'est lui c'en est un sur un 5-star ou un 5 étoiles. Okay. Donc, il est arrivé avec des grosses attentes. Écoute, effectivement, il a vraiment été très bon. Le match a été serré contre Boston College, mais c'est pas de sa faute à lui, là. Il a vraiment joué un gros match. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas souvent vu des bras puissants comme ça. C'est assez fou comment il peut lancer un ballon à 50 verges avec un twist du poignet, comme on dit, là. Un grand gaillard. L'analyse du match parlait de, puis je suis pas en désaccord au niveau simplement du arm talent, là. Il comparait un peu à Jamarcus Russell. Là. Je sais que les gens veulent pas entendre parler de Jamarcus Russell, mais tu sais, on s'entend. Là, on parle pas d'attitude, puis on parle pas de lecture des défensives. Juste le bras comme tel. Jamarcus Russell avait un bras exceptionnel. C'est pour ça qu'il a été repêché premier au total, là, malgré ses autres lacunes. Mais honnêtement, il y a ce genre de bras là qu'on voit pas souvent. C'est-à-dire vraiment aucun effort, très puissant. Met beaucoup d'amplitude sur les ballons, dans les longues passes. Donc, il est très précis aussi, très bon corps arrière. Évidemment, il va falloir attendre l'année prochaine. Ben, c'est-à-dire qu'il va jouer en fin de semaine prochaine contre Notre-Dame. Hein? Trevor Lawrence sera pas prêt. Donc, on va le voir la semaine prochaine. Ça va être très intéressant. On va voir ce qu'il y a dans le ventre, parce que là, il va jouer contre une défense qui... Boston College sont pas mauvais, mais Notre-Dame, c'est un autre niveau, là, au niveau défensif, c'est que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est à Notre-Dame aussi, c'est sûr que les foules sont pas là cette année, fait que c'est très différent. Oui. Auburn, LSU, on a mangé une maudite encore contre Auburn en fin de semaine. C'est incroyable, mais qui aurait dit ça qu'à LSU... Écoute, on savait qu'à LSU, qu'elle allait baisser parce que il y avait plusieurs joueurs, mais là, écoute, est-ce qu'ils vont terminer dans les dernières positions? Ben, on dirait ça. Ils ont affronté des bonnes équipes, par exemple, mais dans le SEC, ils vont affronter que des bonnes équipes. Ouais. Alors oui, ça se pourrait. Écoute, très décevant. Ils ont perdu beaucoup de partants. Là. On s'attendait, ils ont perdu la majorité de leurs partants, leur ligne à l'attaque, leur corps arrière partant. Beaucoup de joueurs, leurs deux meilleurs receveurs de passe de l'année passée, sont pas, tu sais, on peut pas survivre complètement à ça, mais non. Je pensais pas qu'ils seraient si mauvais. Puis là, en plus, c'est qu'ils sont même plus compétitifs de ce qu'on comprend. Alors non, ça a été très, très, c'est décevant de leur part. Et là, ils sont complètement sortis. Il y a tellement des bonnes équipes dans le SEC cette année qu'ils sont sortis du portrait. Là. OK, on va y aller maintenant avec la NFL, ce qui s'est passé hier. Écoute, j'ai regardé le match entre les Steelers et les Ravens. J'ai regardé, parce qu'hier, je travaillais, mais j'ai regardé le match hier. Je peux te dire, en affaire, c'est que Lamar Jackson, je suis pas sûr qu'il va connaître une grosse carrière. Hein. Ce gars-là, il faut qu'il améliore ses prises de décision, il faut qu'il améliore ses talents de passeur, sinon il ira pas loin. Là. Ça va faire quelques années, puis après ça, on va passer à autre chose. C'est un peu ça. Ça a toujours été un peu ma position. Là. Quand les gens, l'année passée, là... partait un peu en peur avec Lamar Jackson. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est sûr que c'est pas un grand bras. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder cet aspect-là comme avec. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Il voit pas toujours bien le terrain. C'est pas un gars qui est à l'aise de la pochette. Il a besoin de courir pour être bon. Puis hier, quand il joue contre des équipes du niveau des Steelers, c'est sûr que c'est plus difficile. Les Ravens font un bon travail d'essayer de l'entourer avec des bons joueurs, mais c'est pas suffisant, on le voit là. Mais quand même, les Ravens ont quand même été dans le match, a été serré. Ce qu'on lui reproche aussi à Lamar, c'est dans les les moments clés là, contre les grosses équipes, il y a de la difficulté un petit peu à faire le jeu décisif. Puis encore hier, ça n'a pas fonctionné. Pas que ce soit juste de sa faute, là, mais moi, je suis d'accord avec toi, Dany. Il faut qu'il améliore. Et il a toujours travaillé là-dessus. Juste pour te dire, Jackson, quand il jouait, je regarde hier 208 verges, là, de deux interceptions, c'est sûr que c'est pas assez bon contre Pittsburgh, mais juste pour te dire, quand il était à Louisville au niveau collégial, c'était un corps, évidemment, qui courait. Écoute, imagine, il est trop rapide pour les joueurs de la NFL. Fait qu'imagine-toi comment c'était au niveau collégial. Mais c'est un corps qui refusait de toujours courir avec le ballon. Il voulait vraiment s'améliorer comme pocket passer parce qu'il savait que dans la NFL. Donc, il a toujours eu l'intelligence de faire ça. Malheureusement, il était tellement avec une mauvaise équipe, puis il avait tellement de mauvaise ligne à l'attaque devant lui à Louisville, qu'il courait pour sa vie quand même. Ouais. Puis il n'a jamais pu se développer autant qu'il aurait voulu comme passeur, puis ça le rattrape un peu, parce que dans la NFL, c'est pas une ligue de développement, puis il essaye bien fort de devenir un meilleur passeur, mais c'est un petit peu difficile pour lui. C'est que moi aussi, le jury délibère encore pour Lamar Jackson. Bon, ben c'est un vrai avocat qui parle. Oui, monsieur. Toi, a réussi sa rentrée hier? Ça n'a pas été facile au début, tu vois? Ouais. Ben, il n'a pas joué un gros match. Honnêtement, là, je pense qu'il n'a même pas 100 verges par la passe. Là. C'est pas, ouais. Il n'est pas le facteur qui a permis aux Dolphins. Ouais. Mais ce qu'on peut se dire, par exemple, c'est que les Dolphins, oui, les revirements, la défensive, moi, je te dis que les Dolphins, actuellement, sont l'équipe la plus complète de la AFC East. Puis même s'ils sont derrière Buffalo, ils m'impressionnent plus que Buffalo ces temps-ci. Il va falloir que les Bills fassent attention. Parce que cette équipe-là elle est partie pour connaître une bonne fin de saison. Ils l'ont fait l'année passée. Puis, écoute, ils jouent vraiment en défense. Ils sont capables de courir avec le ballon. Si Tua est assez bon pour leur donner quelques victoires, là, on pourrait être surpris d'ici la fin d'année. Okay. Dormez pas sur les Dolphins. OK. Également, ben, il y avait un gros match hier de la division Ouest, la conférence nationale. Les Seahawks qui ont battu les 49ers. Ah oui, effectivement. Dans un match à sens unique, ça a été Russell Wilson a complètement dominé ce match-là. Garoppolo l'a pas fini, était blessé. Écoute, je pense que dans et la défensive, honnêtement, la défensive des Seahawks, parce que l'attaque, on le sait qu'elle est bonne là, du côté des Seahawks, ça, je pense pas que personne se pose des questions là-dessus. C'est peut-être la défensive qu'on a des questions. Mais hier, ils ont bien joué. Je te dirais que le score de 37-27 indique pas le match. C'était beaucoup plus à sens unique que ça. Là. Les 49ers ont marqué des points dans du garbage time, comme on dit. Mais je te dirais que les Seahawks, là, si leur défensive peut jouer comme elle l'a fait hier, ils vont certainement avoir de bonnes chances de représenter la nationale au Super Bowl. Et incroyable ce qui s'est passé hier du côté de Dallas. Encore une fois, je suis abasourdi. C'est incroyable. C'est le free-for-all là-bas. Les Cowboys qui ont allé perdre contre les Eagles hier. Oui, puis c'était pas un grand match de football. Non, hein. J'étais surpris que, on a parlé dimanche, j'étais surpris que Sunday Night Football ne soit pas Steelers Ravens. Ça aurait dû être ça. Ouais. En plus, ça a été un excellent match, mais ça aurait pu être ça, ça aurait pu être Nouvelle-Orléans-Chicago. Il y avait certains choix, là, mais non, ça sérieusement, là, je comprends que c'est deux gros marchés, là, mais ça avait pas de sens de écoute, ça a été un très, très mauvais match de football. Les Eagles ont gagné 23-9, mais ils ont convaincu personne dans ce match-là. Ça a été de peine et de misère. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Carson Wentz, là, mais, le jeune prodige que tout le monde, oui, pour l'avoir, non, absolument. Puis, il m'a dit, honnêtement, hier encore, il s'est transformé en machine à revirement. Il a écoute, deux interceptions puis deux ballons échappés. Il a failli coûter le match à son équipe parce que si c'est pas des deux interceptions puis des deux passes, des deux fumbles, là, je veux dire, des deux ballons échappés, les Cowboys sont pas dans le match du tout. Ce qui permet aux Cowboys de rester dans le match, c'est les erreurs de Carson Wentz. Alors, est-ce qu'on pourrait voir Jalen Hurts à un moment donné? Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais vraiment, Wentz livre pas la marchandise là depuis... déjà un certain temps. Je veux te parler en terminant des Pats, encore une fois. Les Cam Newton hier, encore une fois, qui a été décevant, a été la cause de la défaite. Les Pats qui étaient quand même bien défendus. Encore une fois, l'échappée de Cam Newton a coûté le match hier. Oui, quand même bravo aux Bills aussi d'avoir gagné ce match-là. Mais du côté des Pats, écoute, il y a quand même eu certains points positifs. J.C. Jackson comme premier demi-coin, Damien Harris a connu un bon match comme porteur. La ligne à l'attaque, même si tout le monde savait que les Patriots étaient pour courir, sont allés chercher 188 verges au sol, 5.5 verges par course. Tu sais, il y a des points positifs, mais tu gagnes pas dans la NFL quand t'es pas capable de lancer le ballon pour 200 verges. Puis, hein, on en parle, là, ça fait 2-3 semaines. Sixième match sur 7 pour les Patriots avec moins de 200 verges par la passe. Donc, ils sont incapables de passer le ballon. Hier encore, c'était pathétique. Et puis, Newton n'a pas connu son pire match, même si les stats n'étaient pas là, mais il s'en va échapper le ballon. Puis, je veux dire, il est là parce qu'il court avec le ballon. T'sais, c'est pas parce qu'il passe depuis des années, parce qu'il n'est pas capable. Ouais. Deux passes de toucher. Est-ce que c'est lui qui est mauvais ou il n'y a pas de receveur de passe ou les deux? Moi, je pense que c'est les deux. Là. Les deux. Ouais. Les deux. C'est les deux. C'est pas rien que lui. Puis, c'est pas. Écoute. Garde bien, je vais te le dire bien simplement, là. Tu prends un corps arrière. Moi, c'est pour ça que cet été, j'étais un peu sceptique. Je me retiens parce que je veux pas, mais tu prends un corps arrière qui est le contraire complet de Tom Brady. OK? C'est complètement autre chose. Tu l'amènes avec l'équipe. Il faut complètement, tu sais, si tu amènes Cam Newton, faut que tu changes ton livre de jeu parce que c'est pas le même corps arrière que Tom Brady. T'as pas de OTA, t'as pas de pré-camp d'entraînement. T'as un camp d'entraînement en partie virtuel. Le gars manque deux semaines à cause de la COVID. C'est ça. Ça donne ce résultat-là. Ça donne, il n'y a pas de cohésion avec les receveurs de passe. Lui, il joue mal. Il est tout mêlé. Il sait pas quoi faire. Ça joue pas si bien que ça autour de lui non plus. Puis, honnêtement, il y a autre chose aussi. Je veux dire, tu sais, des passes, d'un lancer de souliers des receveurs de passe qui sont à diverge de lui. C'est pas normal. Mais, c'est les deux. Il y a une partie que c'est une mauvaise planification des coachs. Il y a une partie que c'est lui qui joue mal. Il y a une partie que il n'y a pas non plus de il n'y a pas les receveurs de passe pour se faire justice non plus. Mais même à ça, le niveau de jeu de Cam n'est pas acceptable présentement. Puis je pense que. Puis là, Belichick l'a encore. Belichick l'a confirmé pour la semaine prochaine. C'est que c'est lui qui va partir contre les Jets. Ça ne peut pas avoir le confirmation. J'espère qu'ils vont. Ben non, c'est ça. C'est que moi, je parle toujours du quarterback room au complet, parce que si Belichick décide qu'il continue avec Cam Newton, ça n'en dit sur Hoyer puis Stidham aussi. C'est qu'il leur fait pas confiance du tout. Ou comme on voit dans certains films que Jared Stidham a eu une date avec la fille de Bill Belichick. Ou c'est parce qu'il a vraiment pas confiance en lui là. Tu sais, c'est alors si Cam Newton c'est le meilleur corps arrière qu'ils ont sur l'équipe présentement, ça veut dire que la solution elle est pas avec l'équipe présentement. Il va falloir éventuellement qu'elle aille chercher quelqu'un à l'extérieur de l'organisation, parce que ni Newton, ni... Si Stidham n'est pas capable de battre Newton de la façon que Newton joue présentement, c'est que le quarterback room au complet est un désastre de cette année. OK. On s'en